libre de mes mouvements. Ai-je vraiment le choix? Encore maintenant, je la fixe, l'esprit vide. Un pantin vient combler l'espace. Un de plus, l'esprit enchaîné. Ai-je vraiment le choix?